Bienvenue dans la portion top 10 des palmarès c'est fou pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. On est là pour mettre des bâtons dans les roues dans la journée des gens, dans le sens qu'on va vous lancer de la bonne musique d'en face. Exactement. On vous accompagne sur l'heure du dîner. On met des bâtons dans les roues. À la place, on va remplacer ça par des carottes dans les trous. Yeah boy. Dans la bouche, pardon. Oui, oui, oui, exactement. La petite trompette, la la la la. Portion top 10 de l'émission. Nous, on boit encore notre café, fait que on est encore. Encore pas pire en forme. On est encore loin, là. Malgré les rhumes. Donc, position numéro 10 à 6 qu'on va entendre dans l'émission d'aujourd'hui. C'est comme ça, la portion top 10, 10 à 6. En plus, à la fin de l'émission, Tania, j'entends dire que tu nous prépares une petite chronique musicale. Oui. Huile de palmarès. Oui. Tu vois, c'était en vue de la température qui était censée être grisâtre. Mais finalement. Puis là, je regarde par la fenêtre, puis il fait soleil. Tu l'as dit, bâton dans les roues, moi. C'est pas mal un gros bâton dans les roues, ouais. Mais c'est pas grave, on va y aller comme ça. We'll go with the flow. On prend ce qu'on nous donne. Exact. Dans la vie. Même c'est si pas chouette. Même oui. Ce qu'on nous offre pas, on le prend quand même. C'est ça. Position numéro 10. En anglophone, ce sera Daniel Romano avec Roya qui descend de 7 places. Mais pour le côté francophone, on monte de 4 positions avec Eman et Blooper. Voici la plage. Oh, pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Le monde sont tellement frileux ici. J'ai l'impression que tout ce qui nous vaut l'intéricide ce réflexe humain normalicide. Quand je pense à la bas, je trouve qu'on est bien ici. J'parle juste de loups, j'parle juste de mêlée. J'ai l'impression que je suis victime de mon sommeil. Que je te regarde quand j'pense à paix. Putain! On va dire dans mon avis, juste un sujet. Marche tôt ton wallet, tes amis sont juste barrés. Si tu veux que tu demandes un jour, c'est qu'ils sont passés depuis une manette. Marche tôt ton wallet, vie en parle d'un toilet. Qui colle dans le col quand tu payes des dates, tu lâches la palette. Le monde sont tellement frileux ici. J'ai l'impression que tout ce qui nous vaut l'antenne ici. Ce réflexe humain normalicide. Quand je pense à la bas, je trouve qu'on est bien mieux ici. Des chaînes dans le fond d'une piscine. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je m'entoure de mes frappes et de ma famille. Je fais cap à l'info de vous autres. Fait que je suis là dans le meilleur pied d'empire. Comme un seul homme face à la funny shit. Y'a personne de meilleur, y'a personne de pire. The future's now. Je vois dans le fond des yeux des kids. Cinema. Who got the keys pour mes brothers? Like them, prêt à perdre leur vie pour des dollars. Me hype, the game hype, the players. Juste calme-moi pas quand tu marches avec ton lama. J'veux pas être dans les bases de photos dans le cover. Un poète qui te rap ses phrases up on the record. T'as pas être genre près d'un prix ou bien Mandela. J'ai fait ça pour les kids, c'est des vieux enfants. Le monde sont tellement frileux ici. J'ai l'impression que tout ce qui nous vaut l'enterre ici. Ce réflexe humain normalicide. Quand je pense à la bas, je trouve qu'on est bien mieux ici. Hey, hey, hey, hey, hey. Quand je pense à la bas, je trouve qu'on est bien mieux ici. Yeah, y'a personne d'aussi fresh que moi. C'est un mat sur le bled, j'ai un docteur en soi. J'ai un bac dans le street, pis une maîtresse en corse, donc c'est

Getting all application Tinder. Tu m'auras fait voir comme les loups ont de grandes dents. Ça se dit les meilleurs, mais vous êtes tous pathétiques. Quand bien t'as même les fortunes à l'or. Oh oh oh, oh yeah. Oh oh oh, oh yeah. Te v'là la tête entre les mains, pas surprenant que tout l'on joue le poids des problèmes. Dans le noir, c'est clair qu'avec le temps, car mon fessé en calvaire. Y'a pas perdu son élan, y'avait une vendeur dont la balle était dans son camp. Oh oh oh, oh yeah. Oh oh oh, oh yeah. Alright. L'extase de mise en scène avec Closer qui descend de 6 places en 8e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Days avec la version française de Long Gone parce qu'on la connaît beaucoup plus en du anglais. Côté anglophone, ouais. Et mais tu l'as dit, ils chantent pas pareil. Non, ils chantent pas pareil du tout. Je sais pas, c'est drôle, on les a eu en prestation live en studio cet été, version acoustique. Ouais. Puis, c'est pas la même chose. J'ai envie de les appeler Jerry Boudaise ou Daisy Boulet. Ouais, ça serait pas pire. Avoue, il a l'air un petit peu de Jerry Boulet, oui, mais oui, dans le bon sens. Le, comme le timbre de voix. Exactement. Voilà. Donc maintenant, on est rendu aux positions numéro 7 du compteur anglophone. Ce sera Always avec In Undertow qui monte de la 18e place. C'est de nouveau la semaine passée, donc ça a franchi vraiment un bon bout de palmarès. Et du côté francophone de l'album Super Mercado, eh bien, on a monté de 12 positions. Je parle de Corridor avec Coup d'épée. Dans les palmarès, c'est fou. Okay. 89 FM. I'm not afraid to die. Always avec In Under Toe. Always avec deux V à la place d'un W pour être original. C'est la position numéro 7 du côté anglophone sur l'album After Socialites. Et du côté francophone, eh bien, comme je vous le dis, on a monté de 12 positions quand même pour Coup d'épée de corridor de l'album Super Mercado. Oh oui, Coup d'épée de corridor. C'est comme un coup de porte qui ferme vers c'est le corridor. C'est pareil. C'est pareil. C'est subtil les portes ici. Mais hein, oui, très. On est rendu aux positions numéro 6. Tout le monde, donc, c'est les dernières places qu'on va entendre aujourd'hui. Les dernières pièces. Avant de passer à Huile de palmarès, c'est le segment musical de Tania. Donc, position numéro 6 anglophone, c'est Band Sinister avec une pièce qui monte de 14 places. C'était nouveau la semaine passée. Elle suit celle de Always. Donc, elle s'appelle Move a Little Slower. Et puis, l'ancien numéro 15, mais maintenant numéro 6, voici Ici-bas de Mon Doux Seigneur. Ah, c'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Ah, oui. Only I feel left behind. If only I could speak my heart, say what's on my mind. Ben Sinister et Move a Little Slower. J'adore cette pièce-là. Je commence à vraiment l'apprécier. Là. Ça fait comédie musicale, pas mal. C'était la position numéro 6 du côté anglophone. Et du côté francophone, eh bien, ça a bizarrement commencé, cette chanson. On l'entend plutôt rarement à la radio. Oui, Mon Doux Seigneur. Oui, on l'a pas fait jouer à l'Assemblage. Oui, c'est ça. C'est Mon Doux Seigneur avec Ici-Bas. On va continuer pour la faire jouer à l'Assemblage. C'est pas notre genre de musique. Non, pas vraiment. Et l'émission du matin, c'est nous qui choisissons la musique. Exactement. L'émission du midi, c'est les palmarès de C'est Fou, donc c'est-à-dire les pièces les plus appréciées des animateurs de C'est Fou. Et il y en a de tous les genres, bien sûr. Mm-hmm. Voilà, on a terminé nos positions 10 à 6 pour cette portion top 10. La prochaine portion top 5 la prochaine fois, mais pour l'instant, c'est le moment de participer à la chronique de Tania. Oui! Qui est justement, j'avais parti ton fond finalement sans m'en rendre compte, parce que c'est ton fond de chronique. Ouais, hein? Bref, c'est Huile de palmarès. Pas l'intro la plus beatée au monde. Ben non, mais c'est pas grave parce que vous allez voir, ça va super bien avec le style musical que je vous propose aujourd'hui. Je vous l'avais dit en début d'émission, je vous proposais quelque chose qui allait un petit peu avec la température aujourd'hui. Et là, tu vois, Mère Nature a décidé de revenir en fonction de ce que j'avais dit. Peut-être êtes-vous le samedi où là, c'est gris. Là. Ben, présentement, c'est plutôt gris. Là. Le soleil qu'on avait tout à l'heure a comme disparu. Fait que je remercie Mère Nature de s'être prêtée à mon jeu parce que ça va tellement mieux fonctionner comme ça. En fait, depuis quelques temps, j'écoute de la musique qui m'aide à me concentrer. J'écoute de la musique qui fit un peu avec le type de température qu'on devrait avoir pour ce jusqu'à moment-ci, présent. Oui, c'est-à-dire musique d'automne, style, plutôt calme. Quelque chose qui ne va pas nécessairement faire en sorte que je ne dormirai pas. Ha. Ne vous inquiétez pas, ça va pas vous endormir non plus, mais c'est vraiment des styles musicaux plutôt calmes, plutôt indie aussi, vous allez voir. Alors, j'en ai quelques titres à vous proposer que j'ai plutôt aimé dans les différentes playlists que j'ai écoutées cette semaine. Encore sur Spotify cette fois-ci? Encore sur Spotify cette fois-ci. Je pense que c'est vraiment la place où je vais un petit peu pour découvrir ce qui se passe côté musical. Je savais que t'aimerais ça. Oh, je suis désolée, là. C'était tellement parfait comme moment. C'est comme si je l'avais prévu. Je suis en train de mettre du purel sur les mains, OK? Mais je trouve que ma mousse de micro sent le café Starbucks. Alors, Mathieu, c'est bien à mettre... Mais ça m'a fait rire de faire ça, je voulais voir ta face. Ben oui, mais voilà. Et clairement, t'es pas une professionnelle parce que t'as fait référence à ça. Clairement, je suis pourrie. Ben oui, t'es vraiment, vraiment mauvaise à la radio, c'est pas vrai. J'ai vraiment un cerveau off aujourd'hui. C'est très, très drôle. Alors, je vais vous offrir la première chanson. Vous allez voir, c'est vraiment bon. C'est indie, c'est calme. C'est vraiment le style musical que je veux vous proposer. Alors, on va aller écouter Tall Heights avec Back to Autumn. Mm-hmm. Et le pire, c'est que la technique marche. Si jamais tu veux te mettre du purin sur le bout de ton micro phallique. Ouais, c'est ça. Juste le bout. Juste le bout. We haven't been the same, you know. Since we buried you below. On a still winter day. In the plot you picked out so many years ago. When you laid your wife in her grave. Bring me back to autumn. Or lead me on to May. I'm not gonna take them. Abandoned on your dying day. But I'm hoping that all is well. No harvest to greet, but it's still my heart to sell. I put everything I had into something that didn't grow. Like going on a wild hunt, shooting arrows without a bow. But Lord, you know it's true. I only want to be with you. You know it's true, I only wanna be with you. Death is stopping by and I'm hoping it's not too late. A filthy bishop to thank, shaking hands into a fatal stalemate. Trading riches for love, knock a year or two off of the pen. I got 100 left to serve, staring hopeless, uncork the gin. But Lord, you know it's true, I only wanna be with you. Oh, you know it's true, I only wanna be with you. Skies, let them rain, let them pour. All your love, I left it at the door. Don't stop your heart, let it rain, let it pour. Don't stop these tears, let them rain, let them pour. Oh, let them pour. Said your love in my heart feels like the ocean breeze. Elle joue pas ta chanson. Ben non, je comprends pas pourquoi. C'est quoi son titre déjà? C'est dommage triste. C'était bien celle-là en fait qu'on vient tout juste d'entendre. Mais dis-moi la prochaine avant. C'est Austin Basham, mais je voulais vous faire écouter Waiting Around. Waiting Around, ah ouais, de qui donc déjà? De Aisha. Et Badru. Aisha Badru. Aisha Badru. Représente-nous l'autre si tu veux pendant ce temps-là. Exactement. Donc, en fait, on vient d'entendre Austin Basham qui vient du Texas. C'est indie folk, comme vous avez entendu, mais j'aime beaucoup le timbre de sa voix dans cette chanson-là et surtout dans toutes les tunes qu'il fait. Tu lui léches le timbre. Écoute, je dirais pas ça comme ça. Et avant ça, on a entendu Back to Autumn de Tal Heights, qui est aussi un groupe indie folk. Je vous dirais que ça s'écoute super bien en étudiant. C'est pas trop calme, c'est pas trop déstabilisant non plus. Un petit peu plus tôt cette semaine, je vous avais fait écouter dans l'émission Assemblage requis, si vous vous souvenez bien, si vous avez écouté en fait, j'avais fait entendre quelque chose d'un petit peu plus électro. Là, c'est vraiment pour les gens différents, qui aiment un style différent, plutôt calme, plutôt indie. Et évidemment, si Mathieu a réussi à trouver la dernière chanson que je vais vous faire écouter, bien c'est Waiting Around de Aisha Badru. On écoute ça. Gives you eyes that cannot see, lips filled with words you never speak, and I waited all this time to see if you're still waiting around for me. Well, I've been Aisha Badru avec Waiting Around. Elle aussi, bien évidemment, artiste folk de New York et elle a une panoplie de chansons dans ce style-là. Si jamais ça vous intéresse, allez voir ses réseaux sociaux. Voilà, merci Tania pour Ville de Palmarès. Ça fait plaisir. C'est tout pour la portion top 10 de l'émission. On se retrouve pour la portion top 5, soit dans quelques instants pour les gens qui nous écoutent en édition week-end le samedi à midi. Sinon, c'est demain, entre midi et 13h. On est là tous les jours sur l'heure du midi avec vous. Restez là justement pour VHS dans quelques instants pour les auditeurs du mercredi. Merci Tania. Merci à toi, Mathieu. À bientôt. À bientôt.